Ce vendredi, à la vie en BD, la guerre des arts, Hipster le chat, des sélections cadeaux de Noël et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à La Vie en BD. Dernière édition d'ailleurs de 2014 pour le magazine. On sera de retour au début du mois de janvier, probablement le 6, si je me trompe pas trop dans mes dates, pour une autre édition. Et d'ici là, on termine l'année avec une belle brochette d'invités en studio au fil de l'émission de cette semaine. Alors notamment Francis Dernay qui va être de passage en deuxième moitié d'émission pour nous présenter son tout dernier livre aux éditions Papao, La Guerre des Arts. Alors La Guerre des Arts qui s'intéresse à la place des artistes dans la société, la place qu'on leur accorde et l'importance qu'ils ont vraiment. Les belles réflexions autour de ce volume et les réflexions qu'on abordera évidemment avec lui. Également, dans quelques instants, on aura l'occasion de jaser avec Guillaume Demers, qui offre du côté des éditions Espoir en Cannes un livre qui s'appelle Hipster, le chat, chronique de la faune urbaine. Et je vous donne déjà essentiellement, je pense, dans le titre, l'essence du volume est là, c'est un chat hipster ou hipster, le chat. Alors faites l'inversion, on en parle avec lui tout à l'heure également. Sinon, en fin d'émission, Marco Duchesne sera de passage. Il a plusieurs propositions, plusieurs suggestions de beaux livres pour Noël. Alors ben voilà, donc c'est l'édition de cette semaine. Et sinon, dans l'actualité, ben vous avez sûrement vu passer, notamment après les menaces, Fox abandonne l'adaptation de la BD Pyongyang de Guy Delisle. Alors le studio américain New Regency, qui était propriété de Fox, ont donc abandonné ce projet qui devait mettre en valeur et en vedette en fait l'acteur Steve Carell. Une nouvelle qui est survenue en fait au lendemain de l'annulation de la sortie du film The Interview en Amérique du Nord par Sony Pictures. Alors, le tournage de Pyongyang avec Gore Verbinski à la réalisation et Steve Conrad au scénario devait débuter en mars 2015. Évidemment, tout ça devait relater le voyage de Guy Delisle parti en Corée du Nord pour travailler sur une émission pour enfants. Au cours de son périple, il est accusé d'espionnage par les autorités. Bon, bande dessinée traduite dans une quinzaine de langues, notamment en coréen, le reste. Bref, c'était une réflexion, une belle réflexion. En fait, je pense que tout le monde qui a eu l'occasion de lire le savent, une très belle réflexion sur la Corée, sur le regard qu'un étranger porte sur ce pays. Évidemment, de son côté, sur son blog, Guy Delisle s'est déclaré étant profondément désolé de la tournure des choses. Il était bien content de voir, évidemment, un projet d'adaptation proposé et surtout particulièrement déçu du contexte dans lequel, justement, on met de côté ce projet. Alors, ben voilà, donc, pour cet élément. Évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus, d'ailleurs, les articles sont référés, sont relayés sur le Facebook de La Vie en BD, donc facebook.com/La Vie en BD. Quelques autres nouvelles, notamment après Tyler Crust, Fabien Uri et Bruno au prix de la BD du Point en 2013, un jury composé de journalistes du Point et d'auteurs de bandes dessinées a récompensé cette année Ulysse, les chants du retour de Jean Aramba, publié chez Actes Sud. L'album qui a été nommé dans la sélection officielle du prochain festival international de la bande dessinée d'Angoulême et qui fait partie des 5 albums finalistes pour le Grand Prix de la Critique 2015, raconte le retour d'Ulysse en Ithaque après 10 ans de guerre et 10 ans d'errance. Nouvelle du côté des mangas, Katsuhiro Otomo, le dessinateur du célèbre manga Akira, vient d'être élevé au rang d'officier dans l'Ordre français des arts et lettres au cours d'une cérémonie organisée à Tokyo, 10 ans après avoir reçu l'insigne de chevalier. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour annoncer qu'il préparait un film live dont le tournage devrait commencer l'an prochain. On met ça dans notre pile de dossiers à suivre. Et dernier petit clin d'œil à l'actualité, le héros de bande dessinée créé par Hugo Pratt, Corto Maltese, revient dans une nouvelle adaptation, cette fois-ci en jeu vidéo. Ça va s'appeler Corto Maltese Secret de Venise, une coproduction France TV Nouvelles Écritures Kids Up Hill édition Casterman. C'est un jeu d'aventure à énigmes dit point and click, si on y va dans le vocable classique des jeux vidéo, qui va mettre en vedette le célèbre marin dans une aventure interactive inédite. Victime d'un empoisonnement, le personnage incarné par le joueur doit trouver les ingrédients de l'antidote tout en récupérant les éléments d'un antique artefact, la clavicule de Solomon. Alors, ça va être un jeu disponible sur tablette et téléphone intelligent, ainsi que sur PC, sur Mac et aussi sur le web. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil, sinon cette semaine en musique. La formation qui nous accompagne au fil de l'émission, eh ben donc ce sera Cube avec leur album Le Cours. Alors on écoute un premier extrait, Coins and Mushrooms. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous voulez réécouter certaines des émissions en balado ou diffusion, mais c'est possible de le faire notamment sur le blog lavieenbd.wordpress.com. Alors maintenant, avec nous en studio, on est en compagnie de l'auteur Guillaume Demers pour explorer justement ce livre qu'il vient tout juste d'offrir il y a quelques semaines aux éditions Espoir en Cannes. Donc, Hipster, le chat chronique de la faune urbaine. Guillaume Demers, bonjour. Bonjour. Alors, Hipster, le chat, essentiellement, je le disais d'entrée de jeu, c'est des gags, des regards, des petites anecdotes et un univers autour d'un chat hipster. Tout à fait. C'est vraiment l'exploration qu'on en a fait, en fait, de faire le parallèle un peu entre la vie d'un chat et d'un hipster. Puis après ça, on s'est attaqué en fait à différents stéréotypes, le hipster, le douchebag, le swag, nommez-les. Donc on a passé par plusieurs animaux, plusieurs stéréotypes aussi, mais toujours sur un ton très léger, très humoristique. Et qu'est-ce qui t'a lancé sur cette piste-là? J'ai cru comprendre qu'à un moment donné, tu avais croisé un chat et que ça allumait l'étincelle. Oui, je pense que l'histoire commence à être connue. En fait, j'ai croisé simplement un chat avec un foulard. En fait, plusieurs personnes de Saint-Roch-Saint-Sauveur connaissent ce chat qui erre un peu dans les rues. Et puis... J'étais avec mon copain, puis on s'est mis à lancer des idées comme ça entre justement le parallèle entre la vie d'un chat et d'un hamster. Puis... on en a fait quelques blagues que j'ai regroupées parce que je venais de recevoir une tablette graphique en cadeau et puis je me suis mis à m'exercer à la tablette en dessinant des chats, quelle merveilleuse façon d'apprendre aussi. Et puis j'ai fait un petit fanzine en fait d'à peu près 25 pages de blagues de chats. Oui, donc autour du délire, question de pas perdre un peu l'énergie absurde du moment, sans plaisir. Voilà, exactement. Et puis, je suis allé avec ça au Salon Nouveau Genre, et puis j'ai été repéré par les éditions Espoir en Cannes, en fait, Roderick Chabot. Et puis, il m'est arrivé avec le projet d'en faire une publication. Et justement, en fait, donc, le fanzine, c'était un produit quand même un peu plus adulte, délire un peu plus adulte, si on peut dire. Et avec le projet d'édition, on est passé d'un truc un peu plus adulte à un truc un peu plus jeunesse. Oui, tout à fait. La maison d'édition étant une maison d'édition jeunesse, on a un peu revu le public cible, la faune du Salon Nouveau Genre n'étant pas nécessairement une faune jeunesse. Donc, on a exploré un peu, on s'est pas censuré, mais disons qu'on a revisité certains gags pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais goût pour les parents, peut-être plus que pour les enfants, mais enfin. Donc, on a revisé tout ça et puis... On a arrondi aussi un peu les traits du dit chat et de ses copains pour pouvoir justement viser un public plus large. Oui, donc en fait, c'est de l'affinage. Comme tu dis, effectivement, le genre de truc où on affine pas nécessairement pour l'enfant parce que lui repérera pas nécessairement le côté un peu plus, disons, inopiné du gag. Mais par contre, quand on le relit 10 ans plus tard, on va dire, oh, OK. Donc l'idée, c'est d'affiner la chose. Est-ce que ça a été un bon travail, justement, pour en arriver là, pour passer d'une version initiale, d'un délire, si on peut dire, à quelque chose d'un peu plus jeunesse, structuré, etc. Oui, ça a été vraiment une expérience intéressante parce que on est passé d'un gag finalement, de quelque chose qui était très fermé, qui pouvait pas vraiment avoir de suite, à la création de personnages bon, très stéréotypé, oui, mais fort, donc qui pourrait éventuellement revenir dans d'autres aventures. Donc, je pense que ça l'a permis finalement d'étayer suffisamment les personnages pour en arriver avec une clique plus intéressante sur le plan narratif. Oui, puis dans un contexte où finalement le travail de fanzine s'insère un peu dans les premières versions, dans l'exploration graphique pour essayer de trouver le trait, l'ambiance, puis après ça, ben, une base sur laquelle on peut construire. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense aussi que ce livre-là est une deuxième, pas une ébauche, mais encore c'est un work in progress tout le temps. Donc on continue, puis s'il y avait une suite, ce serait sûrement dans une forme encore plus évoluée, là. Oui, parce qu'en fait, le premier tome, si on peut l'appeler comme ça, enfin, on pourrait le présenter comme ça. Oui, tout à fait. Ça te met un peu de pression. et donc, en fait, ça nous permet aussi de vraiment voir un peu cet univers-là dans lequel on parlait de délire tout à l'heure. On l'a pas du tout perdu, d'ailleurs, le côté délire de ce projet-là. Il demeure présent. Il y a un humour un peu absurde aussi à travers tout ça, à travers les animaux doux, swag, etc. Oui, puis c'est ça. Je pense qu'on n'a pas perdu de vue ce projet-là. Puis on les a bien présentés. Donc on a vu qui ils étaient à travers différents panneaux de la vie urbaine. Mm-hmm. Puis je pense que on est rendu au moment de leur faire vivre peut-être une plus grande aventure ensemble. Exactement, parce que dans le premier tome, comme tu dis, on établit l'ambiance. On explore un peu dans le fond les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Effectivement, on met les personnages en place, on voit comment ils interagissent ensemble, qui s'aiment, qui s'aiment pas. Puis maintenant que tout ça est installé, ben c'est ça, on pourrait aller de l'avant avec autre chose. Oui, puis on les a installés sans disons diminuer le côté archétypal de ces personnages-là. Exemple, le chien douche, ben c'est un chien douche. Donc on imagine un peu déjà l'image de la chose. J'imagine que le défi, c'est un peu de mettre de la viande autour de l'os, un peu plus d'aller au-delà un peu de cet archétype-là pour exploiter plus facilement peut-être le potentiel humoristique des rencontres. Dans la mesure où si on dépasse l'archétype, on a plus de possibilités. Oui, tout à fait, parce que à partir du moment où ils interagissent ensemble, justement, on a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Et puis on les a présentés entre autres dans le livre via des pages Facebook qu'ils ont, qui ne sont pas des pages Facebook mais des pages qui s'appellent Fourrière. Des sortes de fiches qui plaisent étonnamment beaucoup aux enfants. Je l'ai vu dans mes cours de bande dessinée là, de ces temps-ci, ils font tous des fiches pour commencer leurs travaux. Je pense que c'est à la mode à l'école par les temps qui courent. Donc, en faisant ces fiches-là, il fallait insérer un nombre de caractéristiques minimales, puis il fallait déjà placer plus de choses que ce que j'avais déjà mis en place, moi, avant d'en arriver à ces fiches-là. Donc, oui, c'est ça, leur background s'est passé de plus en plus. Oui, puis en même temps, dans la structure de l'album aussi, on est un peu, je dirais, constamment en rupture de ton. Justement, on passe une fiche, des anecdotes, des trucs un peu plus développés, des flashs. Ça devient assez actif comme lecture, assez varié. Oui, puis c'était un sacré casse-tête dans la présentation, en fait, de ces pages-là, parce qu'on avait, on a un rythme qui est assez coupé, donc une page, un gag, mais parfois c'est une fiche qui est plus longue à lire, des fois c'est juste un clin d'œil sans parole, d'autres fois il y a quatre ou cinq bulles, donc il fallait qu'il y ait un ordre, mais comme on avait déjà établi que c'était un livre de présentation de ces personnages-là, donc on les a mis finalement dans l'ordre où on les découvrait, on découvre le personnage, la page suivante, c'est sa page Fourrière, donc on a sa description, tout ça, puis ensuite les autres personnages arrivent, donc on l'a vraiment fait dans un but de compréhension, finalement, pour le lecteur. Puis, c'est ça. Maintenant, c'est mis en place. Oui, puis en même temps, ça nous permet, à travers justement le côté un peu Facebook de cette fourrière-là, à travers l'intégration aussi de certains nouveaux médias à l'intérieur de ça, bien, on se retrouve un peu dans l'ambiance. Dans le fond, ça vient servir l'ambiance du récit qui est installé, disons des allers-retours entre la réalité d'aujourd'hui et des jeunes d'aujourd'hui qui sont assez techno aussi, on s'entend, versus ces animaux-là qui le sont tout autant. Tout à fait, puis je pense que c'est ce qui a fait sourire le jeune public là, de ce que j'ai vu dans les salons, le fait qu'ils voient ces animaux-là avec des téléphones cellulaires, avec des ordinateurs, qui écoutent de la musique, donc qui font des choses dans lesquelles peut-être ils s'identifient. Ça a été effectivement un point fort, puis c'était un peu le but de aussi mettre les animaux à la place finalement des gens d'aujourd'hui, si j'ose dire. Puis que ça devienne un peu une caricature, au bout du compte, évidemment. Effectivement, une très grosse caricature. Et à travers ça, Guillaume Demers, j'imagine que le défi, parce que là, j'en entends sûrement qui nous écoutent, qui disent, ben oui, mais des hipsters, des douchebags, il y a déjà beaucoup de jokes qui ont été faites autour de ça. C'est un univers qui est quand même exploré, notamment du côté humour, d'une langue à l'autre. Donc, de quelle manière on aborde ce sujet-là en se disant, ben OK, il faut pas que je refasse tous les gags qui ont été faits, il faut que j'essaie de développer une certaine unicité, si on peut dire, à ce que je vais proposer. Oui, ben premièrement, ils ont raison. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, des blagues de hipsters, de douchebags, etc. Il y a eu des livres qui ont été faits, il y a eu un tas de choses qui ont été faites il y a même 2, 3 ans. T'sais. Puis d'ailleurs, le fanzine est arrivé il y a 2, 3 ans, donc il a pris naissance là-bas, mais je pense que de les présenter finalement comme ils sont, à travers leur race aussi, donc il y a un chat, il y a un carlin, il y a un pitbull, il y a un pigeon, donc ils ont été modelés finalement à partir d'autres choses que le gros stéréotype qu'on a. Puis je pense que justement leur interaction qu'ils ont permet d'avoir un regard autre sur cette faune-là. Et puis je pense aussi qu'on peut justement aller plus loin avec les petites histoires qui sont permises à travers le panneau urbain. Donc on les met beaucoup en situation, pas juste les uns par rapport aux autres, mais à travers différents lieux. Donc dans l'autobus, ils vont à la plage, ils font différentes choses. Donc je pense que l'unicité, si on peut dire, se trouve là. Et en même temps, tu t'amuses aussi dans la mesure où le chat hipster, on le voit bien, on le perçoit bien, le chien douche aussi, c'est des référents qui sont assez communs au bout du compte, mais après ça, on tombe avec Swag, le pigeon, puis ok, là, on sort un peu, justement, on a un raton laveur là-dedans, on sort un peu de la galerie classique, entre guillemets, à laquelle on pourrait s'attendre. Là. Oui, c'est ça, on a sorti un peu grâce à ces nouveaux personnages-là. Le carlin était apparu dans le premier fanzine une seule fois, le pigeon était apparu aussi, mais le raton est nouveau aussi, c'est un raton qui a un trouble anxieux. On est sorti un peu des sentiers battus peut-être en ajoutant ces personnages-là. Puis l'interaction qu'ils ont entre eux est encore plus drôle de cette façon-là, j'ai l'impression, parce qu'ils peuvent pas vraiment cohabiter de façon harmonieuse, disons-le, avec l'assurance d'un douchebag avec un avec quelqu'un qui est anxieux, ça colle pas très bien. Enfin, à la limite, ça devient un peu à la manière d'autres archétypes jeunesse, exemple Winnie l'ourson, des choses comme ça, où justement chaque animal a un peu son trouble psychologique, si on peut dire. Dans ce cas-là, c'est un trouble social, ouais. Presque. Ouais, ça pourrait être une sorte de ouais. J'ai un petit peu de difficulté à me comparer à Winnie l'ourson. Oui, mais c'est plus pour se situer que se comparer, disons. Je comprends. Mais sinon, au niveau du hipster, tu peux toujours te dire aussi, Guillaume, que comme le fanzine était sorti déjà il y a 3 ou 4 ans, mais tu l'avais fait avant. C'est ça, exactement. Je le dis à tout le monde, je l'avais fait avant. ta crédibilité, là, elle n'est pas... Et au niveau du gag, justement, bon, tu disais, la première ronde, c'était vraiment né du délire, du premier flash. Ensuite, comment ça s'est construit un peu? Puis est-ce que, dans le fond, t'en as écrit beaucoup pour ensuite en choisir un peu? J'en ai pas écrit beaucoup plus que ce qu'on a dans le recueil. On parle d'un recueil d'une centaine de pages. On avoisine les 100 pages. Il y en a quelques-uns qui ont été... rejeté entre guillemets, mais ça a été rejeté parce que c'était simplement pas drôle, c'était pas des choses que je voulais censurer ou quoi que ce soit. On a modifié les choses qu'on voulait modifier pour avoir une approche plus jeune, mais sinon pas mal tout ce qui a été fait se trouve là-dedans d'une façon ou d'une autre, que ce soit en combinant deux gags ensemble ou en combinant un gag purement visuel avec un gag plus littéraire. Donc je pense que pas mal tout ce qu'on a retrouvé était là. Puis pour le processus d'écriture, en fait, bon, une fois le délire passé, il y avait justement la nouvelle interaction de ces personnages-là. Il y avait aussi tout l'aspect jeunesse, puis ça s'est beaucoup simplifié une fois qu'on les a mis en situation, donc une fois qu'on les a emmenés en camping, à la plage, tout ça. Donc les choses sont apparues d'elles-mêmes à ce moment-là. Dans le fond, c'est un peu comme un casse-tête. D'un côté, quand on pense à quelle situation, puis dans cette situation-là, si je mets tel personnage, qu'est-ce qui arrive? Si je me rajoute tel autre ou si je le remplace, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Puis, On circule, puis c'est comme ça que la machine se met en marche. Exactement. Parce que c'est toujours le défi, en fait, trouver la bonne mécanique à gag, puis après ça, de réussir à produire, à être drôle. C'est pas évident. Là. Je veux dire, on se dit un matin, OK, bon, je travaille sur ma BD aujourd'hui, il faut que je sois drôle. Effectivement. Il y a des blagues pour lesquelles moi, j'étais certain que ça passait, puis finalement, quand les gens les lisent, c'est pas celles qui le remarquent le plus. Surtout pour les enfants, en fait. Ça, c'est toujours surprenant de voir des enfants parcourir le livre, éclater de rire pour des choses qui, pour moi, sont complètement anodines, puis ou rire de détails à l'intérieur d'une blague, mais qui n'est pas la blague en soi, puis de plus ou moins comprendre les autres blagues ou de passer par-dessus. Mais on apprend quand même beaucoup. Je pense pas que l'humour soit quelque chose de très mathématique. C'est pas mesurable. On peut pas se dire « j'ai trouvé la recette pour être drôle ». Mais Ça fonctionne. On a quand même une sorte d'instinct, en fait. On sait quand ça marche ou quand ça fonctionne pas, la plupart du temps. Est-ce que tu l'as fait lire pas mal par des jeunes aussi avant ou Je l'ai fait lire à quelques-uns de mes étudiants. Pas au complet. plus pour les pages finalement que j'étais pas certain. Évidemment, bon, l'éditeur l'a lu, j'ai des amis proches qui ont regardé aussi. Mais c'est difficile d'avoir un public neutre. Il faudrait que je le montre à des gens que je connais pas, évidemment. Mes étudiants le sont pas. Je suis en rapport d'autorité avec eux. Donc, ils doivent essayer de me dire que je suis drôle puis d'être fait avec moi. Mais même chose pour la famille, les amis. Mais oui, je l'ai fait lire quand même pas mal. Oui, au moins, ça donne un petit retour, justement, pour des premiers lecteurs, à tout oui, le moins. Là, c'est ça. Tout à fait. Et à travers ça, justement, l'idée, c'est d'essayer de créer aussi quelque chose qui est pour les jeunes publics, mais autour d'un sujet pour qui ben, les plus vieux vont y trouver un peu leur compte également, dans la mesure où ça reste un sujet 7 à 77 ans, dans la mesure où on connaît les hipsters, les douchebags, etc. Ben, on s'amuse des lieux communs, des archétypes, puis des façons dont tu les détournes. Oui, c'était le grand but visé par ce livre-là, là, qu'on arrive à toucher autant les adultes que les enfants. Je pense que ça a été en partie atteint. En tout cas, là, il y a j'ai une nièce de 5 ans qui adore le livre. Puis ses parents aiment bien lui lire parce que bon, il voit des blagues évidemment qu'il ne voit pas. Il a fallu qu'on insère un petit lexique à la fin pour mettre des définitions de mots pour être politically correct avec la langue française parce qu'on avait beaucoup d'anglicisme à l'intérieur du livre. Donc, on essaie finalement qu'il y ait une porte d'entrée, que ce soit par le lexique ou par la couverture ou par les termes qu'on utilise, une porte d'entrée pour tout le monde à l'intérieur du livre finalement. Et tu parlais en fait projet de deuxième tome. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est en réflexion? C'est en cours officiellement. On peut penser à un horizon début 2016. Donc, le travail continue de se développer et on aura l'occasion de découvrir d'autres itérations et d'autres mises en situation autour de cette galerie de personnages de l'univers de Hipster le chat. Guillaume Demers, merci beaucoup. Merci à toi. Et je rappelle, Hipster le chat, chronique de la faune urbaine, c'est disponible aux éditions Espoir en Cannes. C'est disponible d'ailleurs depuis quelques semaines, un livre de Guillaume Demers. Nous, on repart avec un autre extrait de Le Cours, tiré de leur album Cube, Danse 8 bits. Toujours l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Petit commentaire lecture, d'un livre scénarisé par Gilbert Hernandez et dessiné par lui également. Alors, c'est chez Atrabile, ça s'appelle Julio. Vous l'avez peut-être vu, on l'avait mentionné puisqu'il est sélectionné au palmarès du Festival de la bande dessinée francophone d'Angoulême. Alors, en fait, qu'en ai-je pensé de ce livre? Je dois l'avouer... En fait, je suis assez partagé par ce bouquet-là. C'est pas le genre de truc que je vous dirais, ben, courez l'acheter, mais inversement, je vous dirais pas non plus, lisez-le pas. Donc, je suis un peu entre les deux. Bon, l'histoire, peut-être contexte, Julio naît en 1900 au sein d'une famille de petits paysans d'Amérique latine dans un hameau isolé. Dès les premiers jours, c'est la panique, le bébé est introuvable. Finalement, c'est son oncle Juan qui le retrouve indemne après qu'il ait roulé tout en bas d'une butte. Donc, il y a méfiance dans la famille, impression peut-être que c'est Juan qui aurait jeté le bébé dans le ravin. Donc, un début de vie un peu événementiel, c'est pour le moins dire, qui va amener une vie plus, disons, peut-être un peu plus particulière pour ce personnage. Moi, c'est l'impression qu'on a au départ. On découvre le panorama de sa famille, son père, sa mère, sa sœur. On découvre leur vie finalement au fil des années, au fil de différents épisodes. Certains plus marquants, d'autres un peu moins. Et essentiellement, ben, c'est à la vie de cette famille à travers les yeux de Julio au fil des 113, des plus de 100 ans de son existence au bout du compte. Et à travers ça, ben, on essaie de montrer, j'imagine, une certaine situation, un certain constat autour de cette époque. En préface, d'ailleurs, l'écrivain américain Brian Everson replace la démarche de ce roman graphique réalisé par Gilbert Hernandez. On dit que, et en citant Beckett d'ailleurs, que l'histoire de Julio fait écho à la futilité de l'existence éphémère. Alors, en fait, d'ailleurs, la première case, il apparaît du néant, il y retourne dans la dernière, donc l'idée que la boucle est bouclée. Mais, bon, c'est là où je deviens un peu partagé, dans la mesure où des ouvrages sur la futilité de l'existence et sur le fait que finalement, ben, on vit pas nécessairement pour grand-chose. Disons, ça peut être intéressant ou ça peut être un peu déprimant et en même temps, ben, peu fourni d'un point de vue événementiel, d'un point de vue contenu, dans la mesure où finalement, bon, oui, des épisodes quand même assez marquants, la mort du père notamment, par qui s'empoisonne en mangeant des vers bleus, puis finalement, dans le fond, qui meurt dans d'atroces souffrances, des vers bleus qui reviendront d'ailleurs sporadiquement dans l'histoire. Bon, c'est un moment quand même assez majeur. Un autre moment où il y a un garçon du village qui revient complètement détruit, plus de jambes, plus de bras, après la guerre, donc des choses comme ça, finalement des morts assez violentes, des destins assez atroces somme toute, mais qui finalement ne servent qu'à justement montrer la futilité de ce qui a été accompli jusqu'alors et la futilité de ce qui viendra par après, et dans un contexte où Julio est un peu extérieur au bout du compte à ce récit, bon, pour des raisons qui sont dévoilées aussi en cours de route, cela dit, et donc, ben, qui a un certain détachement par rapport à ce qui se passe dans le récit. Nous, on voit le récit à travers un certain détachement dans un contexte où on veut qu'on ait ce détachement-là aussi face à cette situation-là. Et donc, ben, contextuellement et conceptuellement, ça se tient. Je veux dire, ça marche, mais est-ce que c'est un bon concept, si on peut dire, pour vraiment nous donner envie de lire, de dévorer cette bande dessinée-là, qui, ben, finalement, est assez astreinte de bonheur, au bout du compte? On pose peut-être la question, si vous avez envie de le feuilleter, c'est quand même, c'est bien fait, c'est bien dessiné, bon, ça aurait pu être un peu mieux, cadré au niveau temporel pour qu'on saisisse bien où on se situe dans l'évolution de ça, outre par le physique de Julio qui devient un peu notre repère temporel, mais bon, donc ça fonctionne au niveau conceptuel, mais est-ce que l'intérêt est là au niveau de la résultante? Ben, c'est un peu la question que je me posais à la lecture, et c'est la question que je vous soumets si jamais vous avez l'occasion de parcourir cet ouvrage-là. Donc, pas une non-recommandation, pas une recommandation non plus. Donc, un avis somme toute assez partagé de mon côté. Donc, de Julio de Gilbert Hernandez, c'est chez Atrabile. Pour une troisième année, la Ligue québécoise l'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise l'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Je voudrais vous remercier de m'avoir supporté. Grâce à vous, j'ai pu soulever la coupe et y boire de nombreuses fois. Puis là, ben, je peux me retirer en vrai gagnant. Si, c'est là, chez nous. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Ceci est un message d'intérêt public. Pour le temps des fêtes, on vous souhaite de couper le Wi-Fi et de parler avec les gens qui sont là. Une sensation vintage vous envahira. Ce message n'a pas été payé par le gouvernement du Canada, mais par le triplex suspendu. Passez de joyeuses fêtes! Toi et moi, le triplex suspendu, c'est pour la vie. Inni, maman. Ludo, la lue. Lily, le lit. Oh, merci. Lucas, le lira. Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. À Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. 89.1 CKRL. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Dernier rendez-vous d'ailleurs de 2015. On se retrouvera ensuite au début du mois de janvier 2016. Évidemment, pour savoir exactement le contenu de nos émissions qui seront quand même pas mal axées sur nos coups de cœur de l'année qui vient de s'achever, vous pourrez nous suivre donc sur Facebook, facebook.com/lavieenbd, ou sinon sur wordpress.com, lavieenbd.wordpress.com. Voilà. Alors, dans le registre livres qui sont sortis relativement récemment et dont on voulait vous parler, il y a La Guerre des arts aux éditions Pow Pow, livre de Francis Desharnais qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Francis, en fait, il y a un peu deux axes dans ce livre-là, du moins de ce que j'en ai perçu. D'un côté, qu'est-ce qui arriverait sur Terre si pendant un peu plus d'un an, il n'y avait plus aucun artiste? Et parallèlement, qu'est-ce qui arriverait à une société si, dans ses choix, elle avait essentiellement mis de côté les arts? Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait devenir dans un futur plus éloigné? Comment elle pourrait évoluer? Oui, c'est bien. C'est deux bons axes, là. C'est deux bons axes. J'approuve. Qu'est-ce qui t'a lancé un peu, justement, sur cette réflexion-là, dans le fond, sur l'idée de se prononcer ou de réfléchir à la place des arts, à la perception qu'on en a, puis à ce qui se passerait, dans le fond, si on les enlevait? J'aurais envie de dire, poser la question, c'est y répondre, mais c'est que je trouve que on est dans une période où les arts ont pas tellement bonne presse. On trouve que ça coûte trop cher. On coupe. Moi, depuis que je m'intéresse aux arts, que j'en fais moi-même, qu'on fait juste se faire couper. En plus qu'avant, il y avait une certaine indifférence. Maintenant, de plus en plus, je sens une certaine forme de ressentiment, voire même de mépris. Ce qui fait qu'à un moment donné, à longue, un gars se tanne. Puis au lieu de faire un coup de gueule, ce dans quoi je me sentirais pas très efficace, j'ai préféré de prendre le parti d'un peu d'en rire, mais aussi de d'exprimer un peu ces idées-là. Oui, un peu à la façon, dans le fond, d'un récit d'anticipation côté science-fiction. Donc, on part d'un principe, on essaie de voir qu'est-ce qui arriverait. Dans ce cas-ci, c'est dans le fond de nous amener aussi à réfléchir à la place des arts. Si demain matin, il y avait plus d'artistes, qu'est-ce qui se passerait? Si on n'avait plus le droit de créer, oui, qu'est-ce qui se passerait? T'sais? Cette espèce de sentiment que j'ai là a débouché sur cette réflexion-là, c'est-à-dire, merde, là, t'sais, si demain matin, justement, il n'y avait plus d'artistes, qu'est-ce qui arriverait? Puis quand on y pense, quand on regarde partout autour de nous, le moindre truc, même le plus insignifiant possible, même j'ai envie de dire même un écrou, il y a quelqu'un qui a réfléchi, il y a quelqu'un qui a essayé de donner une esthétique, ce qui fait que tous ceux qui fabriquent, j'ai envie de dire, les objets qui nous entourent, s'inspirent de l'art, mais aussi, comment je peux dire, c'est que l'art s'est transféré dans notre quotidien. Si je pense, mettons, à l'école du Bauhaus en Allemagne, au début des années, je pense, des années 40-50, eux, leur but, c'était de mettre de l'art dans les objets de la vie courante. Puis je trouve qu'on est encore un peu dans cette optique-là, c'est-à-dire que il y a beaucoup, tous les objets sont designés, sont réfléchis, ont été faits pour qu'ils aient une certaine valeur esthétique. Puis pour ça, c'est bien de valeur, mais il faut s'inspirer de quelque chose. On peut pas juste partir de rien. L'art, c'est comme ça. Je veux dire, c'est toujours un travail d'influence. Si on est influencé par d'autres, on essaie de faire avancer un petit peu ou d'explorer de nouvelles possibilités. Mais à la base, il y a toujours eu quelqu'un d'autre avant nous pour faire des propositions. Fait que s'il n'y a plus d'artistes, ces espèces de vases communicants-là, ils sont brisés, il n'y en a plus, tu sais. Et en même temps, ce qui est intéressant, quand on observe un peu les deux axes que tu exploites dans la guerre des arts, c'est que, dans le fond, tu dis un peu, sur le court terme, si l'absence est trop courte, ben comme on est déjà vautré dans la nostalgie, à la limite, on peut passer outre. Mais qu'à long terme, l'absence de création, l'absence d'importance donnée à l'art pourrait avoir des conséquences plus graves, plus funestes, voire. Oui, ben là, c'est sûr que j'ai C'est sûr qu'il y a de l'humour là-dedans aussi. On s'entend, on rit quand on lit La guerre des arts, là. On spécifie. j'ai poussé le bouchon, tu sais, sur cette planète-là où, dans le fond, les gens sont devenus très résistants, très forts physiquement, mais avec des cœurs d'enfants de 6 ans, tu sais. Ce qui fait qu'ils se laissent émouvoir par n'importe quoi, puis ils se laissent tellement émouvoir qu'ils en meurent à la limite, tu sais. Donc, oui, j'ai poussé le bouchon pour ça, mais en fait, mon but, c'était plus d'avoir sur Terre, qu'est-ce que les gens qui n'aiment pas l'art, qu'est-ce qui pour eux est souvent quelque chose d'essentiel? Mm-hmm. Ben, souvent, ça va être l'armée, tu sais. Puis là, je me suis dit, ben, si on avait une armée qui devait reposer sur les artistes, est-ce qu'on questionnerait son importance? Ben, je pense que non, tu sais. Donc, c'était un peu le but de les envoyer sur une planète que là, ben là, ils ont plus le choix, ça leur prend de l'art pour combattre, tu sais. Fait que c'était un peu le parallèle que je voulais faire. Oui, ben en fait, puis de montrer que, ben de voir un peu, en fait, c'est que j'aime bien l'idée qu'à long terme, finalement, à force de pas entretenir le corps, mais de seulement entretenir le corps, puis d'être austère dans notre manière d'envisager l'existence, ben qu'à long, on perd une partie de nous-mêmes, au bout du compte. On n'est plus ce qui faisait qu'on est humain, parce qu'il y a plus de création. Oui, ben c'est sûr qu'on pourrait aller jusque là. Oui, mais enfin, en même temps, bon, d'un autre côté, ça montre bien que ces genres de livres qu'on lit, entre amis, on se le partage, on en achète chacune copie, puis après ça, ben c'est ces genres de trucs où on s'installe, on prend une bière et plusieurs, puis c'est un moteur à conversation, ce bouquin-là. Ben j'espère, ça, en tout cas, je pense que c'est un peu toujours ça qu'on souhaite quand on fait quand on crée. Après, oui, là, moi, je suis assez surpris, j'ai des très bonnes réactions sur ce livre-là, je suis vraiment très très heureux de ça parce que de par la forme où j'ai pris 10 cases que je peux les répéter, j'ai 16 cases par page, mais j'ai seulement 10 dessins différents dans tout le livre parce que je fais des copier-coller sans aucune retenue. Je me dis, il va être un peu plus difficile peut-être à vendre parce que quand les gens vont l'ouvrir, ils vont voir juste tout le temps les mêmes dessins. Mmh. Mais en même temps, moi, je sais que même juste à la première page, je pense que c'est assez drôle, j'ose le croire, pour qu'on ait envie de le lire au complet. Ce qui fait que je suis content d'avoir des retours de gens qui ont trouvé ça assez drôle, mm-hmm. puis qui le font lire à d'autres, là. Et en même temps, Francis Desharnais, justement, cette contrainte-là que tu t'es imposée, donc 10 dessins seulement au travers de l'ensemble de l'album, des pages de 16 cases assez formatées aussi, d'où t'es venu le désir, l'envie de t'imposer sur un cadre comme celui-là? En fait, c'est le désir d'aller rapidement, parce que la bande dessinée, c'est quelque chose qui peut être assez long puis assez laborieux. Puis j'en avais un peu assez de ça, donc j'ai exploré plusieurs pistes pour savoir qu'est-ce qui me permettrait justement d'accélérer un peu le processus de création. Puis, j'en suis arrivé à cette solution-là, que j'ai pas inventée, qui est absolument pas nouvelle. Lewis Trondheim l'a fait à plusieurs reprises. Mais moi, ça m'allait très bien, parce qu'en fait, ça m'a permis d'écrire directement dans un logiciel de mise en page. Au lieu d'avoir mon petit carnet ou d'écrire sur un logiciel de traitement de texte, ben j'écrivais dans le logiciel où j'avais toutes mes cases, puis j'avais juste à rajouter les phylactères. Ce qui fait que l'écriture s'est fait assez rapidement, puis je pouvais jouer avec le rythme aussi. Je pense que ce qui marche bien dans ce livre-là, c'est le rythme que je lui ai donné, que je donne au dialogue. Donc ça, je pouvais bien le travailler. T'sais, moi, j'aimais bien quand je me disais, bon, ben là, il y a cette réplique-là, combien je laisse avant la prochaine? Une case, deux cases, quatre, huit? Mm-hmm. Fait que ça marque bien le temps. En fait, ça devient un peu comme un métronome. Chaque case est un clic, puis soit il se passe quelque chose, soit on attend, on est dans l'attente, on est dans l'expectative, etc. Ouais, c'est une belle analogie, ouais. le métronome. Mais donc c'est ça. Fait que c'est vraiment ça qui a motivé. Puis je pense que avec le thème aussi, où c'est justement, il y a un côté, on va dire, un peu coup de gueule, ben c'est le genre de truc, il faut qu'il sorte quand même assez rapidement, puis de façon assez spontanée. Moi, c'est l'écriture spontanée aussi qui m'intéressait. Une écriture que j'avais avec Motel Galactique, puis que je voulais pas perdre, même si j'avais à faire les dessins moi-même. Puis dès qu'on fait les dessins en bande dessinée, ça devient tout de suite plus lourd. Et en même temps, ça nous met dans un contexte où, comme justement, on n'a pas accès à... Enfin, on voit tout de plus loin, on voit tout de la ville dans son ensemble. On suit une famille plus précisément, mais on ne la voit jamais. On observe toujours de loin. Même chose avec les extraterrestres, leurs vaisseaux et le reste. Donc, ça crée une certaine distance aussi pour le lecteur, mais une ambiance aussi particulière pour le lecteur, j'ai l'impression. Ben oui, parce qu'en plus, c'est ça. Non seulement j'ai 10 dessins, mais j'ai aucun personnage. Mais en même temps, c'est ça. Je pense que ça offre tellement de possibilités au lecteur de s'imaginer ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments ou de ces vaisseaux-là que ça ajoute, je crois, la... Et à la limite, en fait, je pense que c'était la réflexion que Trondheim avait eue, que justement, à ses départs, où il disait, ben, indépendamment de la qualité du dessin, si on a les moyens ou les outils pour raconter une bonne histoire, ben, ça passe aussi par le scénario, ça passe par la manière dont on utilise le dessin. Donc, ça devient un bon défi pour toi, parce que dans la mesure où si le scénario se tient pas, ben, c'est vraiment, ça passe ou ça casse. Ça met beaucoup de pression sur le côté, justement, la manière dont on va rentabiliser cet espace-là dans le contexte de la contrainte qu'on s'est donnée. Ben oui, c'est sûr, mais c'est là qu'intervient l'éditeur. C'est-à-dire que si ça lui avait pas plu à lui, ben l'aventure ça serait arrêtée là, tu sais. Ou il m'aurait dit de le retravailler beaucoup, mais en tout cas, lui il l'a pris pas mal tel quel. Il y a eu des petites corrections, mais vraiment rien de majeur. Je pense que oui, comme tu dis, tu sais, j'aurais très bien pu me planter. En même temps, C'est le plaisir du risque, en fait. Je veux dire, c'est sans le risque, il y a moins de créativité, peut-être aussi. Tout à fait. Puis aussi, je trouve que ce qui fait que la bande dessinée est un art, justement, c'est qu'elle permet des exercices comme ceux-là. Elle permet d'aller dans un certain minimalisme comme celui-là. Si jamais, à date, on ne m'a pas critiqué, puis tant mieux, tu sais, mais je veux dire, si quelqu'un me disait. Que ça n'avait pas d'allure de faire un livre de même parce qu'il n'y a pas de dessin vraiment, tu sais, ou qu'il y en a juste 10 qui sont, somme toute, assez ordinaires. Mais je comprendrais, tu sais, parce qu'il y a du monde qui peuvent mettre une semaine juste sur une planche, tu sais. Moi, ça m'a pris presque à peine 3 semaines de faire l'écriture. Ce qui a été le plus long, ça a été de réécrire les textes à la main parce que mon éditeur n'aimait pas que j'ai une typo à l'ordinateur. Vu que je l'écrivais directement dans un traitement de texte. C'est ça qui a été le plus long, tu sais. Mais l'écriture comme telle, ça a été relativement rapide. Alors. En fait, c'est en même temps, c'est le plaisir de l'exercice, c'est le plaisir d'expérimenter. Puis faut se le permettre aussi, parce que dans le fond, sinon, on tourne à vide. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Et j'imagine qu'en même temps, le fait de parler d'art, ça nécessitait aussi, j'imagine, une structure plus artistique, plus expérimentale dans une certaine mesure. On ne pouvait pas faire une BD classique avec hyper réaliste, etc., avec un sujet comme cela non plus. On aurait pu, mais ça aurait pas donné, ça aurait pas eu le même impact. Oui, c'est une question que je me pose souvent, à savoir justement je pense que j'aurais pu le raconter. Est-ce que ça aurait été plus intéressant? Je pense pas. Je pense que ça marche super bien comme ça. Après, je veux dire, il y aurait peut-être justement qu'une espèce d'hyper-réalisme, mais avec des dialogues super absurdes. Ça, on sait, c'est tout. En tout cas, moi, je trouve ça tout le temps drôle. Des trucs comme ce que faisait Alexis ou ce que Claude Cloutier faisait. Moi, on se pisse dessus, tu sais. Moi, j'aimerais bien, en fait, si jamais... J'ai transposé Burkett en animation, j'ai transposé Motel Galactique en parcours théâtral. Pour celui-là, j'aurais pas le goût de le faire. J'ai envie que quelqu'un d'autre me fasse une proposition qui se l'approprie puis qui me montre, tiens, ça aurait pu être ça, tu sais. Je pense que ce livre-là le permet, tu sais, que quelqu'un puisse le refaire, mais différemment, tu sais, le refaire à sa façon. Alors, en fait, pour l'expérience d'un côté, pour les questionnements de l'autre, dans le fond, deux axes aussi dans la création de tout ça. Francis Dernais, merci. Merci à toi. Et je rappelle, ça s'appelle La guerre des arts. C'est disponible du côté des éditions Pow Pow depuis déjà quelques semaines. Et nous, on repart en musique. Dernier extrait de la formation Le Cours avec leur album Cube. Et voilà, dernier petit extrait avant d'accueillir notre collaborateur au micro, Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut. Ça va bien? Oui, toi? Ça va. Et en fait, la semaine dernière, on se disait, bon, grosse période du côté de la librairie avec beaucoup, beaucoup de nouveautés, beaucoup, beaucoup de demandes aussi. Mais parallèlement, c'est aussi le moment où on est dans notre dernier sprint côté cadeaux, côté idées. Et il y a des beaux livres qui sortent au fil de l'automne. Écoute... Maintenant, là, on est à quelques jours et c'est le temps de donner les suggestions de ces gros morceaux, de ces cadeaux qu'on voudrait recevoir, à mettre sur une liste, à donner à plusieurs personnes, à un cadeau familial peut-être, ou à recevoir d'une famille qui voudrait se cotiser parce que ces gros morceaux, c'est vrai qu'ils sont un peu dispendieux, mais c'est pour ça qu'ils sont des cadeaux. Et ils valent la peine. Et notamment, premier titre, qui peut peut-être intriguer parce que l'éditeur de ta chaîne fait beaucoup, beaucoup d'éditions d'œuvres d'art, art visuel, etc. Et là, il consacre un truc à Marvel. L'année passée est sorti pour les 75 ans de DC Comics la même chose. C'est-à-dire un énorme album qui fait l'historique de la maison d'édition avec une iconographie extraordinaire. Et cette histoire de comics DC et Marvel est faite avec une espèce de prolongement dans la société, de voir qu'est-ce que, parallèlement au moment où sortait tel dessin, telle bande dessinée, tel comics, qu'est-ce qui se passait au niveau historique, au niveau social, au niveau... Bref, c'est fait avec une grande minutie. C'est de très beaux albums. Le DC a été un succès. Et maintenant, avec les 75 ans de Marvel, qui est beaucoup plus connu. Alors, c'est encore une fois un gros morceau chez Taschen. C'est en anglais, mais ça arrive avec une espèce de cahier, à la version francophone est dans une espèce de cahier. Ça arrive dans une boîte magnifiquement illustrée, avec une poignée. Mm-hmm. C'est énorme comme morceau, mais écoute, ça vaut la peine. C'est vraiment, c'est $225. Mais le Marvel a été écrit, l'histoire a été écrite, le livre a été écrit par Roy Thomas, qui est en fait le successeur de Stan Lee. Okay. Dans les années 70, quand Stan Lee a commencé, à un moment donné, son travail lui demandait beaucoup plus, donc il a laissé tomber le côté scénario qu'il a laissé à Roy Thomas, entre autres. Et c'est lui qui a vécu une grande partie de l'histoire de la Maison des idées, car c'est comme ça qu'on appelait Marvel. Alors, c'est un historique, et c'est pas juste un historique à partir des années 60 où ça s'est appelé Marvel. C'est l'ensemble, après. Marvel Comics a porté un autre nom, c'est Timeline Comics ou Timeline. Bref, je me rappelle plus du titre exact, mais dès les années 30, Timeline faisait du comic et tout. Dès les années 40, on voit émerger les premiers super-héros, la Torche humaine qui était un androïde, Namor, le prince des mers, et ainsi que le Capitaine America, qui ont formé la première alliance de super-héros qui s'appelait les Defenders. Alors on apprend tout ça là-dedans. On voit les premiers Capitaine America, Joe Simon et Jack Kirby ont créé pour faire la propagande de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire de la propagande américaine anti-nazie. Alors, on voit tout ça là-dedans avec, comme je te disais, vraiment une très belle iconographie. Alors ça, c'est les 75 ans Marvel chez Taschen. Sinon, on saute chez Casterman. Eux l'ont lancé un coffret Corto Maltese. Ah, écoute, une intégrale Corto qui tient dans un magnifique boîtier en 3 volumes. Non, celle-là, attends, celle-là est en un seul volume. Elle se tient quand même. On est capable de la lire? On est capable de la lire. Ah non, attends, elle est en 6 volumes. OK, c'est pas celle-là qui est en un volume. Parce que des fois, un volume, c'est tellement gros. Ouais, là, il y en avait plusieurs. Non, elle est en 7 volumes et elle est un peu plus... les albums sont un peu plus petits. Okay. Qu'un album ordinaire, et c'est les versions couleurs. Ça vaut la peine, c'est tous les Corto Maltese, cet aventurier qu'on aime beaucoup. Personnellement, moi, j'ai de la difficulté avec les versions colorées, parce que à des moments donnés dans les albums, ça vient un peu gâcher certaines scènes qui se voulaient plus ambiance et atmosphère, et le noir et blanc les desservait beaucoup. mieux. Exemple, dans Tango, il y a une rencontre de Corto avec un étrange personnage dans un cimetière la nuit. Et en couleur, ça perd toute son efficacité. Bref, malgré tout, ce coffret qui arrive $180, je pense, avec tous les Corto. Et quand je dis tout, c'est la jeunesse qu'on ne trouvait pas, qui a été rétablie dans la série il y a quelques années. Alors, on trouve la jeunesse de Corto. Alors, c'est un magnifique coffret à offrir à l'amateur d'aventure marine. Oui, on fait Corto Maltese, qui est quand même un monument de la BD aussi, on s'entend. Et sinon, autre coffret et autre monument aussi, chez Dargaud, c'est un coffret Blueberry. Et voilà, chez Dargaud, ça arrive en 3 volumes. Et là, quand j'ai vu arriver le titre, annoncer le titre, je me disais, mais est-ce que ça tient? C'est 28, 29 volumes. Oui, non, c'est massif, là. Ah non, écoute, on parle. Et là, je pensais qu'il y avait juste une période. Non, non, non. C'est l'intégrale, intégrale. Intégrale du numéro 1 de Fort Navajo jusqu'à, je pense que le dernier était Mr. Blueberry ou un truc comme ça. Bref, on a tous les périodes. Tout tient dans ces trois extra. Et là, encore une fois, les volumes sont un peu plus petits. Là, ici, c'est les intégrales, ils sont straight. C'est-à-dire, c'est les volumes, les albums, tout ça. C'est juste pour le plaisir d'avoir l'ensemble. C'est un plaisir d'avoir l'ensemble. Personnellement, encore une fois, est sorti il y a 2 ans, ils ont commencé à publier les intégrales, ils en sont à 2 de sortie, qui contient à chaque fois 3 volumes. Mais ces intégrales-là, qui sont dans le format régulier, arrivent avec des documents d'époque, des préfaces où on raconte un peu l'histoire. Et là, on y publie les albums en version chronologique des planches, qui, à mon avis, m'apparaît beaucoup plus intéressant que ce fameux coffret tout compris. Alors ici, on peut décider de soit patienter que tout soit complet en attendant les intégrales de Blueberry, ou soit y aller avec le coffret qui est un 200-300 quelque chose. Donc quand même assez massif. Et chaque intégrale, par contre, est à 50, je pense. Bref, pour peu importe l'amateur, je crois qu'il peut facilement s'y retrouver. Et autre coffret qui est assez intéressant, parce que si les gens farfouillent sur le web pour trouver les Calvin et Hobbes, ben y a pas tant d'intégrales. On trouve soit des segments, des 10e anniversaire, mais là, il y a un coffret. En fait, je t'arrive avec... jusqu'à maintenant, c'était tous des nouveautés, mais je t'arrive avec un truc qui est paru l'année passée. Mais j'aime bien le remettre à l'avant. C'est tellement bon de façon Calvin et Hobbes. J'aime bien le pousser de l'avant encore une fois cette année, parce que, comme tu le dis, pendant des années, en français, c'était pas disponible. En anglais, ils nous avaient fait paraître la même chose. C'est exactement la même chose en anglais, là, que celui dont je te parle ce soir en français. Mais il est paru depuis longtemps en anglais, ce coffret 3 tomes qui contient tout. Les comics quotidiens et les comics du dimanche. Ici, et l'année passée, hors collection, cette maison d'édition française a décidé de le publier, et c'était une idée géniale. Et ça l'est encore, parce que Calvin et Hobbes, c'est familial. Autant les jeunes s'y retrouvent parce que c'est rigolo, ce petit garçon qui joue des tours, qui voit la vie avec beaucoup de, je dirais, une espèce de vision un peu philosophique, mais qui aime beaucoup l'action et qui a un imaginaire débordant et débridé. En fait, c'est une œuvre marquante de la bande dessinée. Voilà. C'est des personnages incontournables. Je veux dire, si on ne les connaît pas, il faut les connaître. Voilà. Et si on les connaît, ben on les aime. Et je pense que c'est le cadeau que la famille doit s'offrir à elle-même. Chaque famille, ça devrait être dans le comment on appelle ça, les bases, les trucs les offerts. Bases, vous êtes une famille, ouais, quand on le mariage, là, on doit avoir telle chose. Quand on part en appartement, les trucs de base. Quand une famille se forme et qui d'acheter l'intégrale de Calvin et Hobbes, elle devrait être dans les trucs en fait du ministère de la famille. Là, ils disent la liste quand un bébé vient au monde, ben mettre ça. Voilà. Et dès que la famille devient 3, 4 Alors là, ça devrait être essentiel. Et je pense que pour 180$, je pense, c'est un beau cadeau. Trois albums. Mais ça c'est un peu la seule façon, de toute façon, de mettre la main sur l'intégrale. Sinon, c'est des petits collecteurs où tu as quelques planches. Les albums en français arrivent à 14$ chaque. Il y en a, je pense, 27, 26. Alors, faites le calcul au total. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Et si vous venez en librairie, il y a un paquet de... je vous en ai nommé quelques-unes, mais il y a un paquet de intégrales, un paquet de coffrets qui regroupe d'une shot tous les albums d'une série, d'une même série, des Achille Talon qui sont par période d'année, les fameux rubriques à brac intégrales, la quête de l'oiseau du temps intégrale, bref, à faire des cadeaux. Des beaux cadeaux à l'amateur de BD, je pense que c'est en plein le temps. Alors, amenez votre liste, on est prêt. Exactement. Profitez du dernier sprint, là. On va faire des cadeaux en BD. Eh bien, voilà, quelques suggestions. Et Marco, nous autres, on se dit à l'année prochaine, on se donne rendez-vous d'ailleurs pour faire tes coups de cœur. L'année 2014. Exactement. Donc, on fait ça comme à l'habitude. Notre tradition se persiste, donc, au premier rendez-vous de l'année prochaine. Donc, pas le vendredi 2, évidemment, mais le vendredi 9, on sera avec vous sur les ondes du 89.1 CKRL. C'était Raymond Poirier au micro. Marco Duchesne, merci. Merci et joyeux Noël. Et oui, et je me joins à Marco pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Profitez-en et nous, on se dit à 2015.